La filière, une enquête de Philip Sands. Écrite et racontée par Philip Sands. Adaptation, India Boucrel et Florence Martin-Kessler. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Philip Sands a enquêté pendant plus de 10 ans sur Otto Wächter, un officier nazi responsable du massacre de milliers de juifs de 1942 à 1945 qui a échappé à la justice. En avril 1949, Otto Wächter arrive à la gare de Rome sous un faux nom et sans un sou. Grâce à l'appui de Mgr Houdal, il prépare son exfiltration en Amérique du Sud et en attendant, il gagne un peu d'argent en faisant de la figuration dans des films tournés à Cinecittà. Sixième épisode, John le Carré à la rescousse. Nous sommes le 3 juillet 1949 à Rome. C'est un dimanche. Otto Wächter, général nazi en cavale, vient de passer un week-end de rêve chez un ami. Ensemble, ils se sont baignés dans les eaux turquoises d'un lac, le lac d'Albano, creusé dans la roche volcanique des monts Albins. Ils ont admiré la vue sur la campagne romaine, toute proche. Mais Otto avance son retour parce qu'il ne se sent pas bien. Il a de la fièvre, une fièvre qui ne baisse pas malgré les cachets de quinine que lui a donné son ami. Brusquement, son état se détériore. Je suis bien malheureux aujourd'hui. Je suis cloué au lit avec une fièvre carabinée, 41, 42 degrés. Je n'ai jamais connu ça. J'ai l'impression que mon sang est en ébullition. C'est très sérieux. Il écrit à sa femme Charlotte le mardi. Je souffre tellement de cette fièvre. Je viens de passer 3 heures sous 3 couvertures. Hier soir, j'étais vraiment très mal. Et le lendemain, mercredi. Ton petit chéri doit mobiliser toutes ses forces pour t'écrire cette lettre. Les 2 gentils médecins qui me soignent s'arrachent les cheveux. Ce sera la dernière lettre d'Otto. Je m'appelle Philip Sands et vous écoutez La Filière. Document numéro 000508 du registre central des criminels de guerre. Date des crimes, 1942-1945. Lieu, Lemberg. L'intéressé est responsable de massacres, d'assassinats et d'exécutions commis sous son commandement alors qu'il était gouverneur de Galicie. Le 9 juillet 1949, Otto Wächter est admis à l'Ospedale di Santo Spirito, l'hôpital du Saint-Esprit, à Rome. Cela fait presque une semaine qu'il est malade. J'ai retrouvé dans les archives le registre des admissions pour le 9 juillet 1949. Et effectivement, dans la soirée, un étranger a été admis à l'hôpital. Il souffre d'une hépatite aiguë et a été installé dans une salle de l'hôpital Corsia Sistina. Nous y sommes. Oui, c'est là. C'est Horst Wächter, le fils d'Otto, qui m'accompagne. Il veut visiter les lieux que son père a fréquentés, en savoir plus sur les quelques semaines, les dernières qu'il a passées à Rome. Nous sommes tout près du Vatican, sur les bords du Tibre. La basilique Saint-Pierre est à portée de vue. Nous pénétrons dans la cour de l'Ospedale di Santo Spirito. Nous voulons voir la Corsina Sistina, l'aile Sixtine de l'hôpital dans lequel Otto Wächter est mort. C'est une immense salle rectangulaire, divisée en 2 parties, la salle Lancisi et la salle Balivi, où étaient soignés les malades. Des fresques magnifiques retracent la vie des papes, surtout Sixte IV et Innocent III, qui ont fait construire puis agrandir cette aile de l'hôpital. Horst est ravi. Il adore la Renaissance. Je vois bien que ce cadre impressionnant le touche profondément. Il confère à la mort de son père une dignité, une solennité qui l'enchante. Il faut dire que c'est vraiment un très bel endroit, peint par Léonard de Vinci, Botticelli et Michel-Ange. C'est le plus vieil hôpital d'Europe. certains bâtiments datant du début du 8e siècle. En entrant, je montre à Horst la fameuse horloge de l'hôpital. Elle n'a qu'une seule aiguille, en forme de salamandre, et un cadran à 6 chiffres seulement, comme si on était dans un autre espace-temps. Revenons à cet été de 49. Le samedi 9 juillet, le docteur Willy Marcassani, ancien médecin à l'ambassade d'Allemagne, écrit à Charlotte pour la prévenir qu'Otto a été hospitalisé. Il lui dit aussi qu'une dame prussienne, Eddie Dupré, une connaissance de son mari, vient lui rendre visite tous les jours, tout comme l'évêque Alois Houdal. Enfin, il explique qu'Otto souffre d'une infection grave qui a provoqué une inflammation du foie. 3 jours plus tard, le docteur écrit de nouveau à Charlotte et conclut « Venez vite à Rome ». Ce voyage en train vers Rome a probablement été le pire de toute ma vie. J'étais morte d'inquiétude. Et si j'arrivais trop tard? Et si je ne revoyais jamais Otto? Les 12 heures de train m'ont paru durer une éternité. Je me suis dit que ma vie sans Otto ne valait pas la peine d'être vécue. C'était cette salle. Il était dans un de ces lits. J'ai apporté la lettre que Heidi Dupré a écrite à ta mère. Elle l'avait écrite le dimanche matin. Quand je suis arrivée à l'hôpital, on ne m'a pas laissé entrer tout de suite. J'ai été interrogée, mais je ne pouvais pas donner des détails sur mon identité. Mais qui est Heidi Dupré? Son vrai nom est Hedwig Dupré. C'est une Allemande vivant à Rome, mariée à un universitaire italien, mère de 3 enfants. Pendant la guerre, elle travaille comme secrétaire auprès d'un attaché militaire chargé des affaires navales, et puis elle intègre le service de renseignement de l'état-major allemand. C'est Heidi, l'espionne, qui accueille Otto à son arrivée à Rome, au 25 rue Giulio Cesare. C'est encore Heidi qui lui trouve un logement chez les moines de Vigna Pia. Et c'est aussi elle qui lui permet de devenir figurant à Cinecittà. Espionne, mais aussi petite main de la filière. Reprenons sa lettre. Finalement, on m'a laissé le voir. La salle dans laquelle il s'est trouvé était grande et très haute de plafond, comme une église. Il s'agit de la salle Balivi, du nom d'un médecin de la Renaissance. Lors de notre visite, Horst et moi n'avons pas le droit d'y entrer. Mais Horst repère la porte qui y mène. Il se passionne pour les portes anciennes. Comme il n'est pas autorisé à l'approcher, il escalade un mur bien plus haut que lui pour la voir de plus près. Il y est suivi par un vigile plus inquiet de sa sécurité que d'une éventuelle entorse au règlement. Votre mari me l'a répété à de nombreuses reprises. Il était convaincu que les médecins faisaient tout ce qu'ils pouvaient. Je suis allée le voir 2 fois lundi et 1 fois mardi et mercredi. À chaque fois, la première chose qu'il m'a demandé a été de le laver et de changer sa chemise. Lundi 11 juillet, il était faible et a très peu parlé. Mardi, en revanche, il était plus frais et m'a dit que son état s'améliorait. Mercredi, il m'a accueilli avec ces mots. Ça va nettement mieux. C'est pourtant ce jour-là que j'ai compris qu'il ne guérirait pas. Il avait l'esprit clair et les yeux plus brillants que le jour précédent. Ce n'est pas grave si Lotte ne peut pas venir, parce que ces dernières nuits, je me suis senti si proche d'elle que j'avais l'impression qu'elle était à mes côtés. Je suis heureux que nous soyons aussi unis. Elle me comprend parfaitement. Tout s'est passé comme cela devait se passer. C'est ce qu'il m'a dit. Aucun de nous ne s'attendait à ce que la fin soit aussi rapide. Tout s'est passé comme cela devait se passer. Sur son lit de mort, il semble que Otto n'ait eu aucun regret. Charlotte arrive à Rome quelques heures plus tard. Marquezani m'attendait à la gare. Je voulais me rendre immédiatement au chevet de mon mari. Mais il m'a dit, non, passons à l'hôtel avant. J'ai dit, non, je veux aller le voir tout de suite. C'est là qu'il m'a annoncé qu'il était mort. Et là, mon monde s'est effondré. Je suis restée sans voix, sans vie, comme si j'étais morte. C'est la fin de 20 ans d'amour, 1929-1949. 20 ans pendant lesquels Charlotte a toujours aimé et soutenu Otto. Monseigneur Houdal a été la dernière personne à voir mon mari vivant. Moi, j'étais toute seule à Rome. Il m'a accompagnée à la morgue parce que je lui avais demandé de voir Otto une dernière fois. Je n'arrivais pas à croire qu'il soit mort. Et il était là, le corps aussi noir que ce bois, comme brûlé de l'intérieur. On aurait dit un nègre. Par la fenêtre, Horst et moi regardons la salle où Otto est mort. Ta voix a changé. C'est parce que je vois la salle là-bas, la grande salle qu'il avait décrite, où il était alité avec 30 ou 40 malades. Quand il est arrivé, il savait qu'il allait mourir. Il était triste que ma mère ne soit pas là. Il l'a attendue. Mais comme il l'a écrit, il s'était dit à la fin que tout était bien. Il était encore jeune. Il avait 49 ans ou 48. En montagne, il se sentait à l'abri. Alors qu'ici, à Rome, je crois qu'il connaissait trop de monde. Il avait trop de relations, et à la fin, il était incapable de distinguer les ennemis des amis. Il était incapable de distinguer les ennemis des amis. Horst ne croit pas que son père soit mort naturellement. Il pense qu'il a été empoisonné. C'est pour cette raison, pense-t-il, que son corps était noir comme l'ébène, comme carbonisé de l'intérieur. Mais qui aurait eu intérêt à supprimer Otto Werchter? Parmi les 10 000 pages de notes et de courriers que nous avons parcourus, nous avons trouvé une lettre tapée à la machine, intitulée « Que faire s'il m'arrive quelque chose ?» Elle est adressée à son avocat à Rome, à qui il donne des instructions au cas où il tomberait malade. Il lui demande de prévenir Charlotte, l'évêque, Monseigneur Houdal, ainsi qu'un autre évêque qu'il a connu du temps où il était en poste à Lemberg. L'évêque en question est ukrainien et, je cite, « il a de bonnes relations avec le Vatican et les alliés occidentaux ». Otto précise qu'il ne faut le contacter que si son état s'aggrave, car il ne faudrait pas, et je cite, « donner inutilement à l'affaire une dimension internationale ». De bonnes relations avec les alliés occidentaux? Une dimension internationale? À quoi donc Otto Werchter pouvait-il faire allusion? Pour mieux comprendre qui étaient les ennemis d'Otto et qui auraient pu vouloir l'éliminer en ce début de guerre froide, je m'adresse à David Cornwall, qui était jeune soldat britannique à cette époque. Il se trouve que c'est mon voisin à Londres. C'est aussi un ami proche. En un sens, je n'étais qu'un rouage minuscule. C'est pendant mon service militaire que j'ai commencé à travailler pour les services de renseignement britanniques, à Graz, en 1949. Je l'ignorais complètement. Tu me laisses continuer? Je croyais que tu y étais 4 ou 5 ans plus tard. David est aussi auteur de romans d'espionnage. Il est plus connu sous son nom de plume, John le Carré. Le succès de son troisième roman, L'espion qui venait du froid, publié en 1963, a changé sa vie. En Angleterre, John le Carré est un monument. Toute sa scolarité, depuis qu'il avait 6 ans, s'était déroulée en pension. Le goulag, c'est son expression. Dès qu'il a pu, il avait 16 ans, il a pris la décision d'embrasser l'âme allemande. Il a choisi Berne, en Suisse alémanique. Puis, il a été envoyé comme soldat en Autriche, qui venait, comme l'Allemagne, comme Berlin, comme Vienne, d'être découpé en 4 zones d'occupation alliées. Aux Français, le Tyrol. Aux Américains, Salzbourg et la Haute-Autriche. Aux Anglais, la Styrie et la Carinthie. Et le reste, à l'Armée rouge. J'avais 20 ans et j'étais sous-lieutenant pour les services anglais à Graz, en Autriche. Et notre obsession, c'était ce qui se passait dans la zone d'occupation soviétique. On avait recruté des agents assez nuls, des types qui passaient leur journée à faire des tours en moto et à vendre des photos porno aux Russes, tu vois le genre. Mais on était aussi censé traquer les nazis. Mais même à cette époque, si on repérait un nazi, un criminel recherché, avec un lourd passé, la première question qu'on se posait, c'était de savoir si on pourrait l'utiliser pour surveiller les communistes. Je trouvais ça ahurissant. J'avais été élevé dans la haine du nazisme et de ce qui va avec, et voilà que tout à coup, on oublie les nazis, et notre nouvel ennemi juré, c'est l'Union soviétique. C'était extrêmement déconcertant. Dans ce contexte, qui était aux trousses d'Otto Wächter ? Eh bien, le CIC, c'est-à-dire le service de contre-espionnage de l'armée américaine, le cherchait certainement. Mais pourquoi ? Peut-être qu'ils voulaient l'interroger et découvrir l'identité de ceux qui avaient participé avec lui au massacre nazi, ou peut-être qu'ils voulaient l'arrêter et le juger. Plus je discute avec John le Carré, que j'appelle David, plus je comprends qu'en 1949, les Alliés n'étaient pas vraiment pressés d'arrêter les nazis. La Pologne est devenue une république populaire et a rejeté le plan Marshall. Les Américains refusent de coopérer avec le régime polonais, répressif et liberticide, même pour arrêter et juger des criminels de guerre. Car, désormais, le péril, ce sont eux, les communistes. Staline a créé le Cominform pour contrôler l'évolution idéologique et politique des partis communistes européens qui y participent. Le KGB n'existe pas encore. À l'époque, les services des renseignements de l'URSS s'appellent le MGB. What about the Soviets? Would there have been et les Soviétiques, justement. Est-ce qu'il y avait des agents soviétiques en Autriche et au Vatican en 1949? De vrais agents soviétiques? Oui. Il y avait des agents du Comintern, des sympathisants, des agents indépendants. Il y avait pas mal de compagnons de route communistes à cette époque. Wächter aurait pu intéresser les Russes. Ils auraient pu l'emmener en Russie et organiser un grand procès pour les crimes qu'il avait commis en Galicie. Une chasse à l'homme et une arrestation auraient été une belle opération de propagande pour les Soviétiques. Autre possibilité, comme beaucoup d'anciens nazis, on aurait pu le mettre en prison, lui laver le cerveau, le retourner assez facilement et le faire réapparaître dans les services de renseignement d'Allemagne de l'Ouest ou de l'Est. Et il y a une chose qu'on ne doit pas oublier, un sujet délicat, mais dont il faut parler. Il y avait, à l'époque, des commandos de justiciers créés par des organisations juives. Ces groupes ont tué beaucoup de gens. Ils procédaient à des assassinats ciblés. Mais comment le leur reprocher quand on sait à quel point la justice était défaillante ? Cela dit, personne ne sait combien d'ex-nazis, qu'ils méritaient, si on peut le dire, ont été tués ainsi. Te souviens-tu à quel moment tu t'es rendu compte de ça ? Tu étais au courant à l'époque ou tu l'as appris plus tard ? Non, je l'ai su après. Cela dit, à l'époque, je crois que nous savions, par nous, j'entends les membres de mon unité et les gens du renseignement. Nous savions que les unités juives au sein du British Pioneer Corps se faisaient justice quand elles en avaient l'occasion. Mais des non-juifs aussi. Dans les premières années de l'occupation, se sont montrés extrêmement violents à l'égard de la population allemande. On n'était pas toujours gentils. Otto, liquidé par des juifs, cela semble farfelu, mais pas complètement inenvisageable. Il y a eu beaucoup d'assassinats. Et je dois dire que ça a déclenché chez moi une certaine admiration. Une certaine admiration. Moi qui suis homme de droit, qui ai dédié ma vie au rule of law, aux règles de droit, j'ai vraiment un problème avec les justiciers autoproclamés. Horst aurait été aux anges de découvrir cette nouvelle hypothèse. Lui qui échafaude des théories délirantes sur la mort de son père. Sa dernière idée, Otto aurait été tué sur l'ordre personnel de Joseph Staline. Staline passait ses nuits à faire des listes de gens qu'il voulait tuer, non? Tout en haut, il devait y avoir celui d'Otto Wächter. Je demande à Horst d'où lui vient cette idée. Staline avait éliminé tous les dirigeants ukrainiens, dont le dernier avec un poison spécial. Un certain Stepan Bandera, tué d'un coup de parapluie empoisonné. Qui était-il? Bandera était né à Lemberg, dans la minorité ukrainienne. Il était très nationaliste. Il avait vu sa Galicie bien-aimée devenir polonaise en 19, puis soviétique en 39, alors qu'il rêvait d'indépendance. Il choisit de collaborer avec l'Allemagne nazie. Stepan Bandera connaissait-il Otto Wächter? C'est possible. C'est au château du Wawel que les bandéristes, le groupe nationaliste ukrainien qu'il dirige, déclarent officiellement leur loyauté au Troisième Reich. En 1941, alors que Hitler prépare l'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne, la future opération Barbarossa, Stepan Bandera crée en Galicie la Légion ukrainienne, deux unités de combat sous commandement de la Wehrmacht, le bataillon Roland et le bataillon Nachtigall, Rossignol. Bandera est arrêté par les nazis en juillet 41 et interné dans un camp de concentration, ce qui n'empêche pas une partie de ses fidèles de rejoindre l'armée nazie, la division SS Galicie, un bataillon de soldats étrangers, essentiellement ukrainiens, créé en avril 1943 par Otto Wächter. Après la guerre, Bandera est tué d'un coup de parapluie empoisonné par le KGB. C'est en 1959, à Munich. Et si Otto avait lui aussi été éliminé par les services secrets soviétiques? David, John le Carré, me suggère de continuer à tirer ce fil. Américains, juifs, soviétiques, les ennemis d'Otto étaient nombreux et leurs motivations variaient. Justice, vengeance, recrutement. Qui aurait eu intérêt à l'empoisonner? Eh bien, si je faisais la même enquête que toi, je croiserais tous les noms des gens avec qui Otto était en contact avec ceux qui figurent dans les dossiers déclassifiés. Je tâcherais de découvrir ce qu'ils avaient en commun. J'essaierais de trouver la raison à ces liens. Était-ce seulement des fréquentations sociales? Y avait-il une logique à toutes ces rencontres? Avait-elle pour but la création d'un embryon d'organisation? C'est exactement ça, en plein dans le mille. Après avoir passé des mois à éplucher sa correspondance, son carnet d'adresses et ses notes en tout genre, nous savons aujourd'hui que Otto fréquentait essentiellement d'anciens nazis et d'anciens fascistes. Et nous avons découvert que la plupart d'entre eux travaillaient comme espions pour les Américains contre l'ennemi communiste. N'oublie pas non plus qu'il y avait des types complètement cinglés, des militaires allemands et autrichiens qui étaient persuadés qu'ils pouvaient reprendre la guerre contre la Russie, qu'ils pouvaient s'allier avec les Américains et attaquer le bloc de l'Est. Et n'oublie pas qu'il y avait des gens très sérieux en Angleterre et aux États-Unis qui disaient « Mais oui, on y va, on va régler leur compte aux communistes pendant qu'ils sont encore vulnérables ». James Everest, l'étudiant en thèse qui m'aide dans les recherches historiques, m'appelle un jour. Je pense que j'ai une piste pour le meurtrier d'Otto. En examinant des dossiers déclassifiés par la CIA, James est tombé sur un nouveau nom. On sait qu'Otto a passé la journée du 2 juillet au bord du lac d'Albano. Il a déjeuné avec un vieil ami, marié à une Italienne, qui avait un bébé. Le nom d'un homme qui habitait pas loin de ce lac d'Albano. Est-ce que cet homme a tué Otto Wächter? Le jour de son retour de week-end, le 3 juillet 1949, Otto tombe malade. 10 jours plus tard, il meurt, seul. Son corps est noir comme l'ébène, comme brûlé de l'intérieur. A-t-il été empoisonné? C'est ce qu'a affirmé un homme, resté à son chevet jusqu'à la fin. Dans le prochain épisode de La Filière, nous allons découvrir qui était cet homme et pourquoi il a assisté aux derniers instants d'Otto Wächter. C'était La Filière, une enquête de Philip Sounds. Écrite et racontée par Philip Sounds. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Adaptation, India Boucrel et Florence Martin-Kessler. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Musique originale, Sekou Keïta et Catherine Finch. Avec Irène Jacob pour la voix de Charlotte Wächter. Lambert Wilson pour la voix de Otto Wächter. Irma Barry-Schmidt pour la voix de Eddie Dupré. Et Horst Wächter, voix française, Emmanuel Ménard. John Le Carré à Londres. Voix française, Emmanuel Suarez. James Everest à Londres. Voix française, Aurélien Ozinski. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc. Assistante à la réalisation, Laure Chastan. Générique complet à retrouver sur franceculture.fr.